Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, voici les grands titres de ce journal. Nous sommes le 15 novembre 2016. Une femme a été tuée par son mari ce lundi à Kigobessu, dans la mairie de Bujumbura. Les voisins témoignent que le couple était souvent en conflit au sujet de la gestion du patrimoine familial. Et le gouvernement du Burundi se félicite de la position de l'Union africaine de rejeter l'initiative de l'Union européenne de payer les soldes des militaires burundais en mission en Somalie, sans passer par le gouvernement de Bujumbura. Vous entendrez le secrétaire général du gouvernement et porte-parole de ce dernier, Philippe Nzobonariba. Dans la chronique santé ce mardi, le gynécologue Innocent Ndayikunda nous parlera de la pré-éclampsie. C'est une maladie redoutable qui apparaît dans la deuxième moitié de la grossesse. Et en actualité internationale, la République démocratique du Congo n'a plus de premier ministre ni de gouvernement après la démission d'Augustin Matata Ponyo. Son remplaçant devait être connu ce lundi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, un homme a tué sa femme à l'aide d'une houe ce lundi au quartier Kigobessu, dans la commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Les voisins indiquent que le couple se chamaillait souvent et que des conflits liés à la gestion du patrimoine familial seraient la cause de ces tueries. Christella Nizigama. C'était aux environs de 15h de l'après-midi. Les voisins sont venus intervenir et ont trouvé un corps d'une femme sans vie, surnommée Mama Pessi. Son mari, surnommé Bingwa, l'avait déjà assassinée, comme l'indiquent leurs voisins. Ce meurtrier était un sentinelle d'un bâtiment en cours de construction à Kigobe et sa femme vendait du charbon. Nyabenda Tarsis, un de leurs voisins, indique qu'il se chamaillait souvent. Ce couple se chamaillait souvent. Même les autorités policières étaient au courant. Le mari avait lui-même signé devant un OPG qu'il ne frappait plus sa femme. La défunte était une vendeuse du charbon. Le mari disait à la femme que c'est lui qui l'a donné de l'argent pour faire du commerce. Et la femme disait qu'elle lui doit 200 000 francs bout. Ce couple ne s'attendait plus. Les voisins et les parentés sont sous le choc après la mort de la regrettée. Cette femme indique aussi qu'il se chamaillait souvent. La défunte était ma camarade de classe. Nous avons grandi ensemble dans la commune de Usiga, province Ngozi. J'avais même une dette de 65 000 francs envers elle. Je regrette beaucoup. Je voulais rendre cet argent à son enfant. Je la conseillais de quitter son mari parce qu'il se chamaillait souvent. Je lui disais de venir vivre à Kamenge. Cette mère sauvagement assassinée laisse un enfant. Merci Christella. Puisque nous parlons d'insécurité, un homme d'environ 40 ans de la colline Rutiazo en commune Kayokwe de la province Mwaro est mort cette nuit. Il a succombé à ses blessures après avoir été tabassé par certains habitants de cette colline. Les sources policières à Mwaro indiquent qu'il venait de voler la même nuit environ 20 bananiers de deux individus sur la même colline. Laurent Dikourio. 4, 3, 2. Vous voudrez bien nous excuser pour ce raté dans ce journal. On continue avec ces nouvelles. L'ancien comme Bartungwanayo de Bambo, en commune de Bugarama de la province Rumonge, qui avait disparu depuis une semaine, a été retrouvé à Rutumo, en commune de Rumonge, le soir de ce lundi. Alors que ce vieux dit qu'il avait fui de peur d'être tué par son fils pour une affaire d'argent, l'administrateur communal de Bugarama conseille à sa population de s'habituer à recourir au conseil de famille dans de telles situations. Jean-Pierre Misago. Après une semaine de recherche, la police de Bugarama a retrouvé vers 18h de ce lundi le nommé comme Bartungwanayo dans un ménage de Rutumo en commune Rumonge où il s'était réfugié. Selon des sources proches de la police de Bugarama, confirmées par OPS 1 Donatien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge. Selon les mêmes sources, cet homme a avoué à la police qu'il avait fui puisqu'il était menacé de mort par son fils chaque fois qu'il réclamait ses 500 000 francs burundais que son fils lui devait. Ce n'est que ce mardi matin que sa famille et l'administration collinaire de Bambo l'ont récupéré à la police de Magara où il avait passé la nuit. Après avoir déclaré à la police que l'affaire allait être réglée en famille, Joachim Manirakiza, administrateur communal de Bugarama, demande à sa population de ne pas attendre qu'on en arrive jusque-là pour se réunir en conseil de famille. Jean-Pierre Misago de Purumon, Radio Isanganiro. Il est 13h03 à Bujumbura. Je venais de vous le dire, le gouvernement du Burundi demande à l'Union européenne d'honorer ses engagements vis-à-vis de l'Union africaine en débloquant sans délai les salaires des militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie. Cette requête est exprimée par le secrétaire général, les porte-parole du gouvernement dans un communiqué rendu public ce mardi. Philippe Nzobonariba affirme que Bujumbura se félicite de la position de l'Union africaine de rejeter l'initiative de l'Union européenne de payer les soldes de ses militaires sans passer par le gouvernement burundais. Suivez Philippe Nzobonariba. Le gouvernement du Burundi se félicite de la position prise par l'Union africaine ce vendredi 11 novembre 2016 à travers la 21e réunion du comité de coordination des opérations militaires des pays contributeurs des troupes à la MISOM, réunion présidée par le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, de rejeter l'initiative de l'Union européenne de vouloir payer le salaire des militaires burundais engagés dans la mission de maintien de la paix en Somalie sans passer par les institutions burundaises. Cette position s'aligne par ailleurs sur celle déjà exprimée par le gouvernement du Burundi sur la question. La mesure de l'Union européenne de diviser les troupes composées par des contingents en provenance de différents pays africains face à un ennemi commun qui est le terrorisme est non seulement contre-productive, mais aurait pour effet de saper le moral de toutes les troupes engagées contre les terroristes et les Shabab et inversement de remonter le moral de ces derniers. Le gouvernement du Burundi demande plutôt à l'Union européenne d'honorer ses engagements vis-à-vis de l'Union africaine en débloquant sans délai les salaires des troupes burundaises engagées vaillamment face à l'ennemi et qui sont injustement bloquées depuis bientôt 10 mois. Et ce, selon les modalités fixées par le mémorandum d'entente avec l'Union africaine. Le gouvernement du Burundi demande à l'Union européenne de ne pas étendre les effets de son désaccord avec le Burundi sur sa politique intérieure à toute la famille de l'Union africaine en pénalisant les troupes engagées dans les opérations de maintien de la paix. Il n'est en effet ni humain ni moralement soutenable de priver de moyens de subsistance à des troupes engagées dans une cause aussi noble. C'était le porte-parole du gouvernement Philippe Nzobonariba, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Un certain albinos, Nihari Lizwa Denis, demande l'intervention des bienfaiteurs pour avoir 3 millions de francs burundais afin d'aller se faire soigner en Tanzanie une maladie, la maladie de cancer survenue au niveau du thorax. Ce patient dit avoir été soigné dans bon nombre d'hôpitaux ici au Burundi, mais sans succès. Apollinaire Muzagara pour les détails. Cet albinos de 33 ans habite la colline Muyange, zone Maramirundi, en commune Rusiga de la province Ngozi depuis 8 ans. Il souffre d'un cancer au niveau du thorax, juste en face du cœur. Denis Nihari Lizwa s'est fait soigner aux différents hôpitaux d'Ngozi, Kitega et Bujumbura, mais sans succès. Le seul lieu de soins restant qui lui est proche, selon ses médecins, est Dar es Salaam en Tanzanie. Lui-même dit avoir déjà côtoyé ceux qui sont fait consulter, soigner et qui ont déjà guéri. Le seul handicap, selon son patient, c'est de pouvoir collecter 3 millions de francs nécessaires pour couvrir le séjour et les soins en Tanzanie. L'association Albinos Sans Frontières n'est pas apte à supporter cette facture, selon toujours son patient, qui dit l'avoir déjà contacté. Denis Nihari Lizwa demande par conséquent l'intervention de toute âme charitable pour sauver sa vie en danger. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Nous marquons une courte pause et nous venons à ces souhaits des auditeurs de la radio Isanganiro qui fête ses 14 ans vendredi prochain. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains habitants de la ville de Bujumbura sont satisfaits par les émissions de Radio Isanganiro. Ils demandent d'augmenter les heures de service et de créer la télévision Isanganiro. Et ces propos ont été recueillis au moment, je le disais, où la Radio Isanganiro se prépare à célébrer son 14e anniversaire ce vendredi. Suivez ce micro-baladeur. Nous sommes satisfaits par les émissions de la radio Isanganiro et surtout dans ces moments où nous avons peu de radio ici chez nous. C'est vraiment une radio privée. Il y a bien sûr à changer, notamment en ces jours de crise. Il serait mieux de tranquilliser la population. Autre proposition est qu'elle puisse pousser plus loin ses investigations, car la plupart des fois, vous commencez une information et nous attendons la suite, mais en vain. Nous avons aimé l'émission Karadiridimba où la diaspora nous parle de ce qui se passe au Burundi ainsi qu'à l'étranger, mais pour le moment, l'émission a été suspendue. Comme des journalistes, vous pouvez demander la reprise de cette émission. Également, il faut améliorer afin que vous puissiez travailler 24 heures sur 24. Et enfin, nous demandons également qu'il y ait une télévision pour la radio Isanganiro. Et en actualité internationale sans transition aux États-Unis, le président Barack Obama entame sa dernière tournée internationale avant de laisser son poste au président élu Donald Trump dans deux mois. Première escale ce mardi 15 novembre 2016, c'est la Grèce. Et en Italie, les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir sauvé 550 migrants en Méditerranée lors de la seule journée de lundi 14 novembre. Et en République démocratique du Congo, le pays n'a plus de premier ministre ni de gouvernement après la démission d'Augustin Matata Ponyo qui a dirigé le gouvernement presque pendant 5 ans. Les détails avec Didier Nyonzima. La République démocratique du Congo n'a plus de premier ministre et de gouvernement après la démission annoncée ce lundi d'Augustin Matata Ponyo. Un départ attendu et qui est donc désormais officiel. Sur le site de la RFI Afrique, Matata Ponyo, qui a dirigé le gouvernement congolais pendant à peu près 5 ans, a annoncé qu'il a pu déposer sa démission de Premier ministre ainsi que celle de son gouvernement pour répondre à l'esprit et à la lettre de l'accord global issu du dialogue initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo. Cet accord recommandait la formation d'un gouvernement d'union nationale et cela va logiquement avec la démission du gouvernement existant. En Italie, lors de la seule journée de ce lundi, 550 migrants ont été sauvés en Méditerranée, ont annoncé les gardes-côtes italiens. Ces derniers ont mené 5 opérations de sauvetage, lors desquelles ils ont également recueilli 5 corps. Sur le site de France 24, depuis le début de cette année, plus de 4200 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée, entassées sur des radeaux gonflables. C'est le chaos politique et sécuritaire qui règne en Libye, qui serait à l'origine d'une hausse du nombre des départs des clandestins vers les côtes de l'Europe. Aux États-Unis d'Amérique, Barack Obama entame sa dernière tournée internationale avant de laisser son poste au président élu Donald Trump dans 2 mois. Le premier escale de ce mardi 15 novembre, c'est la Grèce, où il n'était jamais allé depuis son élection en 2008. Sur le site de la RFI, le président sortant devrait y prononcer un discours faisant office de testament politique. Mais en Grèce, c'est sur la question de la dette que Barack Obama est attendu. À Athènes, il rencontrera le président de la République hellénique, Prokopis Pavlopoulos, puis le premier ministre, Alexis Tsipras. Après 2 jours sur place, il se rendra en Allemagne, puis au Pérou. Radio Isanganiro Chronique. Je l'avais annoncé dans les titres dans la chronique santé ce mardi, le gynécologue Innocent Daikonda nous parle de la pré-éclampsie. Il s'agit d'une hypertension artérielle gravidique qui apparaît dans la deuxième moitié de la grossesse. Et c'est une maladie qui peut conduire au décès de la mère ou de son enfant si elle n'est pas traitée à temps. Les détails avec Francine Nihougaï. La pré-éclampsie est une affection qui touche certaines femmes durant leur grossesse. Elle apparaît après la 20e semaine et se caractérise par une pression artérielle élevée et un taux élevé de protéines dans les urines, comme l'indique le gynécologue Innocent Ndaikunda. La pré-éclampsie est une maladie qui est plus ou moins fréquente, qui survient de façon inopinée, incontrôlée. Elle survient dans 5% des grossesses après 20 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire vers 4 mois et demi de grossesse. Et c'est une maladie qui est définie comme une hypertension artérielle avec des chiffres tensionnels supérieurs ou égaux à 14 sur 9 et qui est associée à une protéinurie massive, c'est-à-dire une fuite de protéines dans les urines. Les causes de la pré-éclampsie restent inconnues, mais certaines recherches ont déjà montré que la maladie est due à une mauvaise implantation du placenta vers la 20e semaine de grossesse. Jusqu'à présent, les différentes recherches inhérentes à cette pathologie n'ont pas encore mis au point l'origine profonde de cette pathologie, mais les recherches ont abouti quand même aux conclusions suivantes. La pré-éclampsie tient son origine à une mauvaise implantation du placenta vers la 20e semaine d'aménorrhée. c'est-à-dire vers 4 mois et demi de grossesse. Le placenta, normalement, s'insère profondément dans le muscle de l'utérus. Dans certaines situations, et de façon incontrôlée et naturelle, ce placenta s'insère beaucoup plus superficiellement, et les vaisseaux qui sont dans ce placenta gardent leur capacité de se contracter à n'importe quel moment. Si ces vaisseaux se contractent, en amont de cette contraction, il survient une grande dépression de sang, ce qui se traduit en périphérie par la survenue d'une hypertension artérielle. Le gynécologue fait savoir que les filles qui tombent enceintes précocement et les femmes de la quarantaine qui tombent enceintes pour la première fois figurent parmi les personnes à risque de la prééclampsie. Les facteurs de risque jusqu'ici déjà inventoriés sont constitués principalement par les femmes qui tombent enceintes un peu trop précocement, à moins de 18 ans, et les femmes aussi qui tombent enceintes trop tardivement, à plus de 40 ans, quand il s'agit d'une première grossesse. Les femmes qui sont obèses, les femmes qui présentent un diabète préexistant à la grossesse, les femmes dont les membres de la famille, les petites, les grandes sœurs, les tantes ou la mère ont déjà connu une prééclampsie, les femmes qui ont des grossesses multiples, plus on a des grossesses multiples, gémellaires ou triplées, plus on est très exposé à la survenue de cette prééclampsie. La prééclampsie, une maladie difficile à diagnostiquer si on n'a pas pris la tension artérielle de la patiente. A priori, quand on voit la femme macroscopiquement, c'est une femme qui est gonflée un peu partout, qui a des œdèmes un peu généralisés. Là, on peut dire que cette femme elle a une prééclampsie. Mais non, on va l'affirmer quand on aura pris la tension artérielle et aussi qu'on aura interrogé la femme, savoir si vraiment elle est présente des facteurs de risque de cette prééclampsie. Oui, gonflement de certaines parties du corps, femme enceinte, plus hypertension artérielle. Cette maladie peut entraîner des complications sévères si elle n'est pas traitée à temps et peut conduire jusqu'au décès de la mère ou de l'enfant qu'elle porte. Ceci fera l'objet de notre prochaine chronique avec toujours le gynécologue Innocent Ndaikounda. Merci docteur Innocent, merci Francine. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Eric Ouimana, la mise en onde, je lui dis merci. Au micro, Jean Bosco Ouimana, un bon après-midi.